moindrement confiance en lui, automatiquement, il prend conscience de son intelligence. C'est important à ce point-là d'avoir confiance en soi. Quand tu prends conscience de ton intelligence, éventuellement, tu as suffisamment conscience de ton intelligence que tu n'as plus besoin d'avoir confiance en toi. C'est comme une fumée qui part, qui est plus nécessaire. Tu es certain de toi-même. Quand tu es certain de toi-même, c'est facile de donner confiance à des gens. Alors, on peut faire une équation et dire, bon, mais si les gens vivent l'ennui mental, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment dans leur esprit. Ils vivent pas dans leur esprit. Moi, je vous parle, là, c'est avec mon esprit. Je vous parle de même en horizontal, puis avec mon esprit, je peux parler avec eux autres en même temps. Les deux à fois, tant que je suis dans mon esprit. Fait, comment est-ce que tu veux que j'aie de l'ennui mental? Comment est-ce que tu veux que j'aie pas quelque chose à dire tout le temps? C'est impossible. Parce que je suis tout le temps de même, je suis tout le temps de même. Et la raison pourquoi les gens sont pas tout le temps dans cette direction-là, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance dans leur intelligence, ils n'ont pas suffisamment conscience de leur intelligence, ils n'ont pas suffisamment conscience d'être intelligent. Ça, pour vous, c'est important, ce point-là. Conscient d'être intelligent. Quand tu donnes conscience d'être intelligent, tu ne mesures pas la valeur de tes pensées. Tu te les greffes constamment et tu construis avec tes pensées. Et l'homme doit arriver à construire constamment avec ses pensées. Il y en a qui peuvent construire avec un certain matériel. Il y en a qui vont construire avec d'autres matériels. Moi, je peux construire avec beaucoup de matériel, mais ce n'est pas parce que je construis avec beaucoup de matériel que le matériel que vous utilisez pour construire n'a pas la même valeur que le mien. C'est la même énergie. Mais vous autres, aussitôt que vous construisez avec votre matériel, vous allez vous foutez la claque dedans parce que vous n'êtes pas sûr si est solide votre construction. Vous la questionnez et vous la doutez tout le temps, de sorte qu'éventuellement, vous tuez la confiance en vous autres. Et comment voulez-vous donner confiance à l'extérieur? C'est impossible. Il y a des gens qui, de tempérament naturel, même dans leur inconscience, sont capables de vivre de leur matériel. Pauline, ça en est un, ça. Il y en a d'autres. Elle, la petite pas Louise Faber, ça l'est l'autre. Mais quand tu es inconscient et tu as ce qualité-là, ben à ce moment-là, tu es un conspire quand tu es inconscient. Parce que tu es trop centré sur toi-même et tu ne réalises pas encore tout le domaine extrêmement vaste et occulte de l'intelligence. Mais au moins, tu es réel. Puis ce qui se produit, c'est que ça te permet de développer confiance en toi-même. Fait que comme tu développes confiance en toi-même, tu penses que tu te deviens tout. Mais éventuellement, tu te prends dans l'ombre du monde. Puis éventuellement, ben, tu deviens conspire. Mais non pas parce que tu n'es pas intelligent, mais parce que tu n'es pas encore conscient des lois de intelligence. Une fois que tu deviens conscient des lois d'intelligence, cette dimension-là part, t'arrêtes d'être un conspire, comme elle arrête d'être un conspire, puis elle arrête d'être un conspire, puis là, tu vis dans ton esprit. C'est ça que l'homme doit en arriver de faire. C'est ça, j'ai déjà dit dans les séminaires, il y a des gens, c'est des têtes de cochon, mais c'est mieux être une tête de cochon qu'être trop doux. Parce que déjà, quand t'es tête de cochon, t'as quelque chose. Mais c'est parce que tu connais pas toute la dimension de ton quelque chose, tu penses que ça devient du nombril, puis tu te prends pour un autre. Comme lui, c'est un exemple. Lui, il commence à sortir. Lui, il y en a de ça. Il y en a de cette intelligence-là intérieure depuis des années de temps. Une fois qu'il commence à comprendre que ça vient de même, puis que les lois de ça, mais il commence à être parlable. Avant, c'était pas parlable, c'est toujours lui qui voulait parler. Là, il commence à écouter, puis quand il a parlé, mais ça commence à sortir d'une façon plus fluide, plus relaxe, puis éventuellement, dans 2-3 ans, il va être cool. C'est même, ça marche. Mais si un homme comme ça a toute cette énergie-là en lui, puis il n'y a pas quelqu'un quelque part qui explique comment ça marche, comment se veut-tu que cet homme-là, à la fois, bénéficie de ce qu'il est, il fasse bénéficier aux autres de ce qu'il est? Il peut pas. Parce qu'il y a trop, puis les hommes sont de même. Moi, j'étais de même quand j'étais petit gars. Je suis rentré dans les taxis avec ma mère quand j'avais 14 ans, puis le taxi driver, je l'ai rencontré il y a quelques années, 2-3 ans, puis il n'a pas changé de genre. Chanceux. Puis on parlait de politique, j'étais un petit truc gros comme ça. Le taxi driver sortait dans ma main et il dit, il n'y a pas moyen de parler avec cet enfant-là. Il a toujours raison. J'étais gros comme ça. Ça faisait partie de ça. Mais je savais pas qu'est-ce que c'était, ça. Fait que j'étais un conspire. C'est le même qu'on est. Et les gens conscients, les gens de la 6e race ont de l'énergie intérieure. Ils ont quelque chose intérieurement. Ils en ont beaucoup. Et plus ils se conscientisent, plus ils en ont. Mais il faut qu'ils en arrivent un jour à comprendre comment ça marche. Une fois qu'ils comprennent comment ça marche, là, ils s'en servent pour eux-mêmes, ils s'en servent pour leurs amis, et ils temporisent autour d'eux-mêmes, dans la société de la cinquième race, de ce qu'ils ont, pour ne pas apparaître comme étant des casse-pieds. Sans ça, ils seraient toujours en tension avec le monde extérieur. Puis c'est ça qui nous amène un jour à comprendre qu'on a énormément de conscience, on a, avec le temps, énormément d'intelligence, mais il faut en arriver à temporiser cette énergie-là, à la contrôler, cette énergie-là, pour maintenir avec nous autres mêmes la confiance qu'on a, et qui devient de plus en plus forte, et qui devient éventuellement de la certitude, mais sans l'écraser, puis sans l'étamper dans le front du monde. La cinquième race. Ça veut dire. La raison pour laquelle on fait confiance dans la vie, c'est parce que on est insécure. L'homme inconscient est insécure. Alors, la raison pour laquelle les hommes ont un mécanisme intérieur psychologique de faire confiance, c'est parce que les hommes, l'homme inconscient, est insécure. Et c'est très difficile de voir la relation entre l'insécurité et le mécanisme de faire confiance aux gens. Premièrement, parce que c'est très difficile pour l'homme de réaliser qu'il est insécure, à moins que son insécurité soit réellement évidente. Mais même chez une personne qui n'est pas évidemment insécure, l'insécurité existe parce que l'insécurité, elle est foncière à l'ego. Et dans la transaction humaine où l'on fait confiance à une personne, c'est pour ajouter dans notre vie de la sécurité. Faire confiance à quelqu'un, c'est pour se donner de la sécurité. Et c'est justement parce qu'on est insécure qu'on fait confiance à quelqu'un pour se donner de l'insécurité. Une personne qui est consciente n'a pas besoin de faire confiance à une personne parce qu'elle ne souffre pas d'insécurité. C'est pour ça que du stage ou du niveau ou de la condition de faire confiance, elle passe directement à la condition de donner confiance. Si les hommes dans la cinquième race aujourd'hui apprenaient à ne pas faire confiance et à donner confiance, les problèmes de la cinquième sous-race seraient totalement éliminés et on serait automatiquement dans la sixième. Autrement dit, les problèmes du monde seraient éliminés. Alors, le phénomène de faire confiance à l'homme ne résout pas les problèmes de l'homme parce que dans le phénomène de faire confiance à l'homme, il y a toujours les influences astrales chez l'individu auquel on a fait confiance et qui, à cause de son inconscience, va être influencé par l'astral. Si les gens n'étaient pas influencés astralement, on pourrait leur faire confiance. Exemple. On peut faire confiance à nos enfants, par exemple. Parce que nos enfants ne sont pas nécessairement dans une situation astralisante, mais ils sont dans une situation d'inconscience, c'est-à-dire que leur intelligence, leur niveau d'expérience n'est pas assez développé. Ils disent que le seul niveau où on peut faire confiance à des êtres, c'est au niveau des enfants. On peut faire confiance à nos enfants parce que ça les aide dans leur éducation, dans leur évolution psychologique. Mais on ne peut pas faire confiance aux hommes parce que entre nous et les hommes, il y a une transaction. Tandis qu'entre nous et les enfants, ce n'est pas de la transaction qui existe, c'est de l'affection. Alors, quand on passe du stade de l'affection au stade de la transaction, on ne peut plus éventuellement faire confiance à l'homme. Et si on fait confiance à l'homme, éventuellement, on est affecté dans notre expérience, éventuellement, on est forcé de s'assagir. Parce qu'on réalise éventuellement on fait des expériences qui ne sont pas plaisantes ou heureuses. Les hommes nous déçoivent, les hommes déçoivent toujours les hommes. Les hommes décevront toujours les hommes. Et le pire, c'est que les hommes souvent déçoivent les hommes, non pas parce qu'ils veulent décevoir les hommes, mais parce qu'ils sont dans des conditions de vie où ils ne peuvent pas rendre à celui qui leur fait confiance leur dû. Quelqu'un va venir à toi et va dire, « Mon prête moi 10$ jusqu'à la fin de semaine. » Puis à la fin de semaine, il perd sa job. T'sais? Alors, c'est pas de sa faute. C'est pas que tu peux pas te remettre 10$, mais il perd sa job, puis il est off pour 6 mois après. Et le fait que de faire confiance est lié à notre insécurité, c'est pas un fait qui est évident pour nous autres, les hommes. Et ça, on le réalise un jour quand on a bien appris à ne pas faire confiance et qu'on est capable, à volonté, de dire oui ou de dire non, sans que nos émotions soient impliquées dans l'action. Et c'est quand qu'on est capable de dire oui ou non, sans qu'il y ait d'émotivité, autrement dit, sans qu'on vibre astralement. C'est là qu'on s'aperçoit jusqu'à quel point il y a de l'insécurité dans le phénomène de faire confiance. Parce que c'est pas aussi facile qu'on s'imagine de refuser confiance à quelqu'un. Parce que quand on devient conscient, on peut refuser confiance à quelqu'un, non pas parce que on ne veut pas perdre, mais parce qu'on sait que si on donne confiance à une personne, cette personne-là va mal utiliser la confiance qu'on leur donne. Exemple, vous passez sur la rue, puis il y a un type qui vient vous voir, qui est en guenille, qui est en boisson, puis il vous demande de l'aumône. Ou si vous le connaissez, il vous demande de lui prêter l'argent pour quelques jours. Vous êtes obligé de lui donner confiance, sachant très bien qu'il ne vous rendra pas d'argent. Mais d'un autre côté, il se peut très bien, selon votre clairvoyance, que si vous lui prêtez l'argent, ou donnez l'argent, il ne va pas aller s'acheter, se louer une chambre la nuit, il va aller boire son argent. Autrement dit, il va rempirer son inconscience. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas bon pour vous de lui donner confiance. Alors, donner confiance à quelqu'un, c'est un phénomène d'intelligence qui peut aller dans un bord ou dans une direction ou dans un autre. C'est un phénomène mental, donner confiance à une personne. Et ce n'est aucunement assujetti à l'émotion, à la sentimentalité ou au corps astral. Un autre aspect dans la différence entre donner confiance à une personne et faire confiance à une personne, c'est que quand on fait confiance à une personne, on se nie soi-même. Parce qu'on s'empêche de bénéficier soi-même d'un privilège qu'on donne à l'autre. Ne sachant pas si ce qu'on donne à l'autre va être réellement fructueux ou va gratifier ou va valoir la peine. Et on le fait par sentiment souvent spirituel. Il y a des gens qui spirituellement vont s'enlever pour donner à d'autres. Mais ils s'appauvrissent pour rendre d'autres dépendants d'eux. C'est pas bon. Très mauvais. C'est pour ça qu'il y a... Souvent, les maximes dans la société ne sont pas justes. Mais il y a des maximes qui sont très justes. Et celle qui dit « charité bien ordonnée commence par soi-même », elle n'est pas mal juste. Elle n'est pas parfaite. Mais elle n'est pas mal juste. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si une personne est trop spirituelle, ou si une personne est trop douce de mœurs, ou trop simple, ou trop naïve, ou trop gentille, ou a trop de vibrations positives, cette personne-là peut retarder l'évolution des autres et retarder son propre... elle peut retarder le développement de sa propre intelligence au cours de son expérience matérielle. Il y a des gens qui ne sont pas capables de refuser à d'autres. Ils ne sont pas capables de ne pas faire confiance à d'autres. Ça fait partie de leur caractère, le tempérament, ça fait partie de l'éducation. Souvent, ils ont eu des parents très religieux, des parents très généreux. On se doit, les hommes, de réellement voir tous les aspects de notre comportement humain en fonction de notre intelligence, mais jamais en fonction des valeurs sociales, morales, judéo-chrétiennes, bien que ces valeurs sociales et morales soient très bonnes positivement. Quand on est conscient, le positif peut facilement devenir négatif et le négatif devenir positif selon la vision qu'on a des choses. Parce qu'un homme conscient devient automatiquement clairvoyant. Et en étant clairvoyant, il peut voir à travers la personne, il peut voir à travers une personnalité, il peut voir le jeu d'une personnalité. On se laisse trop influencer par nos sentiments dans notre comportement humain et dans nos transactions humaines. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont en affaires et qui perdent leurs affaires parce qu'ils ont été trop généreux, parce qu'ils ont fait confiance à trop de gens. Et pour nous, les hommes, c'est surtout les hommes qui sont bons, parce que les hommes qui sont évolués sont en général bons, ils ont des qualités de cœur ou d'esprit qui sont en ascendance. Et souvent, les gens qui sont de cette nature, de cette trempe, ont beaucoup de difficultés. Ils trouvent ça difficile de se retrancher d'une activité dont le comportement social serait normalement vu comme étant positif. On a de la misère, on dirait, de ne pas être bon tout le temps. C'est difficile pour nous autres de ne pas être bon tout le temps. Et si on n'est pas bon tout le temps, et si on commence à ne pas être bon tout le temps, on commence à se culpabiliser, puis on questionne notre action, on questionne la valeur de notre action. C'est difficile pour nous autres. C'est un exemple de ça. Tant que tu es protégé, ça marche. Tu es une femme dans ta famille, dans ta vie. Et c'était dans le monde. C'était un travail dans le monde. Ils disent qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour l'ignorance humaine, à quelque niveau que ce soit. Ils disent qu'on ne peut pas convertir des valeurs morales positives ou négatives en intelligence. Ça ne se convertit pas. Ah. Une personne peut être très fine. Toi, tu peux être très fine, très gentille, comme tu le lis. Mais ça ne veut pas dire que si un jour, tu n'en arrives pas à être intelligente au lieu d'être être intelligente, puis fine, puis gentille, au lieu d'être simplement fine et gentille, ça veut pas dire qu'un jour, tu te feras pas jouer dans les cheveux. Tu comprends-tu? Ils disent que les qualités morales, sociales de la cinquième évolution ne sont pas convertibles en intelligence. De l'intelligence, c'est très froid. Mais dans le fond, c'est pas froid. C'est intelligent. C'est l'opinion qu'on a de l'intelligence qui nous apparaît comme étant froide. Mais l'homme qui est dans son intelligence n'est pas froid. Il peut être froid, il peut être chaud. Selon le besoin et la cause. Mais c'est toujours l'intelligence qui dicte son intention, c'est toujours son intelligence qui dicte son action, c'est toujours son intelligence qui dicte son comportement. Ce n'est jamais son sentiment. Et plus les affaires vont mal dans le monde, plus l'économie va mal dans le monde, mais plus les gens ont tendance à faire l'erreur de faire confiance à quelqu'un. Dans les situations économiques d'aujourd'hui, tu ne peux plus faire confiance à personne. Tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ta compagnie, tu vas perdre ton commerce. Quand on est rendu qu'il y a des pays comme le Mexique qui tombent en banqueroute. Et quand on n'apprend pas à ne pas faire confiance à l'homme, on n'apprend pas à être autonome. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à se désintoxiquer du besoin d'être social pour se renchérir du besoin d'être autonome et asocial. L'homme n'a pas besoin d'être social. L'homme peut être asocial. Mais ça n'empêche pas d'être sociable, là. Une différence entre social, asocial et sociable. Moi, je suis sociable. Je suis asocial. Et en étant asocial, ça me permet d'être social si je veux, puis de ne pas l'être si je veux. Mais quand on n'est pas... quand on n'a pas appris et qu'on n'a pas réalisé le besoin de ne pas faire confiance à personne, on n'est pas capable de réaliser la nécessité d'être asocial. Et pour l'homme qui se conscientise, être asocial, c'est très important, et être sociable en même temps. L'homme conscient n'a pas besoin d'être social. C'est une épreuve psychologique pour un être conscient d'être social. Comment est-ce qu'il y a, combien de personnes qui m'invitent d'aller chez eux ou qui m'invitent ici puis qui m'invitent là? Je peux pas être social avec tout le monde. Je me viderais, je me fatiguerais, je perdrais d'énergie. Ah, je suis asocial. Mais ça veut dire que je suis pas sociable. Je peux dire oui, peut-être un jour. Puis effectivement, peut-être un jour. Mais effectivement, peut-être jamais non plus. Dans cette condition de vie présente. Ou dans la condition temporaire. D'aujourd'hui. Un jour, il y aura d'autres conditions où ça me permet, où je pourrais me permettre d'être social. Mais ce sera dans un autre contexte de sociabilité. Alors, ce n'est plus social. Je suis simplement en relation d'amitié avec des gens. Et tout ça, c'est rattaché au mécanisme de faire confiance à l'homme. Parce que quand on fait confiance à quelqu'un, on engendre avec cette personne-là une confiance qui lui sied bien, mais une confiance qui ne nous sied pas nécessairement. Et automatiquement, on devient obligé à cette personne-là, parce qu'éventuellement, on est obligé de retrouver nos biens, parce qu'on est attaché par notre bien. Et automatiquement, on est obligé de socialiser avec cette personne-là. Et en étant obligé de socialiser avec cette personne-là, souvent, on est obligé de s'apercevoir au bout de quelques années que cette personne-là ne valait pas la peine de socialiser avec, mais on était obligé de socialiser avec parce qu'on était obligé de retrouver ce qu'on lui avait prêté ou donné. Alors, ceci nous a empêché d'être asocial. Autrement dit, de faire notre vie comme on l'entend socialement, c'est-à-dire à l'intérieur d'une condition qui est développée par notre intelligence pour le bénéfice de nos énergies, c'est-à-dire pour l'équilibre de nos corps. Autant vous avez d'énergie aujourd'hui, autant demain vous n'en aurez pas. Dans 5 ans, vous en aurez encore moins. Dans 10 ans, vous en aurez encore moins. Votre énergie sera toute dans le mental. Vous aurez très peu d'énergie dans quelques années pour socialiser. Vous verrez. Plus vous allez devenir conscient, plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez réaliser qu'il y a des gens dans votre vie qui font partie de votre vie. Et c'est avec ces gens-là que vous allez demain socialiser. Vous ne socialiserez pas avec tout le monde demain. C'est pas parce que vous allez appartenir à une société, une nouvelle société ou à une autre conscience sociale ou à une micro-société que vous allez socialiser avec tout le monde. Non. Vous allez respecter tout le monde. Vous allez être en relation d'esprit avec tout le monde, mais vous ne socialiserez pas avec tout le monde. C'est une illusion psychologique de l'homme. Un homme n'a pas besoin de tant de gens que ça pour vivre. C'est une très grande illusion. D'ailleurs, c'est une illusion spirituelle. C'est pour ça que les sociétés, la société humaine est si grande, trop vaste, trop de monde. Un être humain conscient a besoin de quelques personnes avec qui socialiser. Et ensuite, il peut y avoir un autre nombre avec qui socialiser, puis ensuite un autre nombre avec qui socialiser, ensuite un autre nombre. Mais sa relation avec le nombre, au fur et à mesure que ce cercle-là avance, est de plus en plus diminuée, bien qu'elle se manifeste dans des conditions, dans des structures particulières. Mais un homme conscient ne peut pas socialiser avec bien du monde, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie astrale pour lui suffire. Ça prend de l'énergie astrale pour socialiser. Prendre un verre, jaser, prendre des heures, parler d'une chose, parler de l'autre. Plus vous conscientisez, moins vous êtes intéressé à parler. Pourquoi? Parce que plus vous êtes capable de parler, et plus vous êtes capable de parler de ce qui se produit, et plus vous êtes obligé de changer l'esprit de l'homme avec qui vous parlez, ça fait qu'automatiquement, vous entrez dans le travail de la conscience. À un certain moment, mais tu vas arrêter de travailler. Fait que tu ne peux pas socialiser trop. De sorte que si tu socialises avec un groupe quelconque, tu ne parleras pas de conscience. Tu vas parler d'affaires, tu vas parler de choses de vie qui sont très près du plan matériel, des choses qui ne sont pas de l'esprit, mais des choses qui sont de la manifestation de l'intelligence dans la matière. Ça s'arrête à ça. Parce que parler, quand on se conscientise, parler, ça devient une nouvelle façon pour l'homme de réaliser son intelligence, mais quand il est dedans, il n'y a plus besoin de parler. Quand t'as pas une scène, tu penses avoir de l'argent, mais quand t'es millionnaire, tu penses pas grand chose. Tu penses plus à ça. Parler, c'est la même chose. Un homme qui parle, il est riche, automatiquement. Il parle pour faire quelque chose. Mais quand il a travaillé, il veut se reposer, il est pas intéressé de parler tellement. Automatiquement, il va faire des choses, il va construire. Vous autres, parler pour vous autres, c'est encore au stage d'une prise de conscience. Mais un jour, parler pour vous autres, ça deviendra un pouvoir. Et quand ça deviendra un pouvoir pour vous autres, vous serez très, très... vous serez très... très avare de votre parole. Parce que vous saurez qu'aussitôt que vous parlez, vous engendrez de l'énergie. Automatiquement, vous devenez responsable de ce que vous engendrez. Ça n'arrête plus, c'est un cercle. Ça devient une spirale, et ainsi de suite. Tu peux pas parler au monde pour pas changer le monde quand tu es conscient. Ça prend... Pour que l'homme commence à parler et changer l'homme, ça prend à peu près 7 ans. Dans 7 ans, l'homme qui parle, il change l'homme. Fait qu'automatiquement, l'homme qui parle, après 7 ans, mais il veut plus parler. Parce qu'il s'aperçoit que chaque fois qu'il parle, il change. Fait qu'automatiquement, il se crée un cercle social, il se crée quelque chose, socialement parlant. Là, il veut prendre un break. Parce qu'il sait ce que ça génère. Alors, il veut devenir asocial. Et rendu à ce stage-là, ben, il n'est plus intéressé à faire confiance à personne. Parce qu'il n'y a plus d'insécurité. Ah, automatiquement, il peut donner confiance aux gens, mais encore, il faut que le fait qu'il donne confiance, il faut que ce soit toujours sous le contrôle de son intelligence. Sans ça, il donnera confiance constamment, constamment, constamment. Tu peux pas donner confiance constamment. À un certain moment, il faut que tu le retranches. Si tu t'aperçois que la personne ne vaut pas la confiance que tu lui donnes. Pourquoi tu donnes confiance? Pour te rendre service. Oui. Un homme donne confiance à un homme pour se rendre service. Si j'expliquais les lois, là, si j'expliquais dans un livre, pas en public, parce que je m'explique, mais si j'expliquais simplement dans un livre, qu'est-ce que c'est la psychologie de l'homme, les gens seraient énormément frustrés de ce qu'ils liraient. Dis-toi que quand je dis le livre que je vais écrire sera un livre maudit dans le monde, c'est justement là, les gens ne comprendront pas ce que je veux dire. Il y en a un certain nombre qui comprendront, mais la majorité, les masses, ne comprendront pas ce que je veux dire. Ça va créer la division entre les hommes. Parce que un de mes grands travaux sur le plan matériel, c'est de détruire l'amour sur la Terre. Je suis obligé de détruire l'amour sur la Terre pour restreindre l'astralité sur la Terre. Pour forcer l'homme à rentrer dans l'intelligence. Si je détruis pas l'amour sur la Terre, l'homme ne rentre jamais dans son intelligence. Parce que c'est avec l'amour que l'astral est rentré dans la conscience de l'homme. L'amour en tant que sentiment. C'est avec l'amour en tant que sentiment que l'astral est rentré dans la conscience humaine. Un homme qui est intelligent est obligé de nier instantanément, constamment, constamment, constamment, toutes les conditions psychologique de la cinquième race. Un homme conscient est un homme seul, jusqu'à temps qu'il y ait d'autres hommes conscients. C'est tout dans seul quand tu es conscient. Regardez vos vies, là. Ils sont seuls, vos vies. Vous avez vos amis, peut-être deux, trois amis, quatre amis. Un homme conscient est un homme seul. Un homme conscient ne peut pas s'expliquer à la société. Et la destruction de l'amour, du sentiment de l'amour sur la Terre, ça fait partie des grands courants de force et de vie qui créeront un éclatement dans la conscience mondiale. Ça va être terrible ce que ça va faire, le dégât que ça va faire. Parce que les hommes ne comprendront pas l'intelligence. L'intelligence, c'est pas ce que les hommes pensent. L'intelligence ne peut et n'appartiendra jamais à l'ego. Moi, je le réalise, le mystère. C'est un mystère intelligent. Je réalise le mystère intelligent. Et l'homme ne vivra que d'intelligence. Et plus l'homme vivra d'intelligence, plus il sera heureux. Plus tu vis d'intelligence, plus tu es heureux. Moins tu vis d'intelligence, plus tu es heureux. Sinon, c'est une loi planétaire astrale. Notre vie sur la Terre, c'est une vie expérimentale, c'est une conscience expérimentale. On passe de la conscience expérimentale à la conscience créative. Alors, le passage de la conscience expérimentale à la conscience créative, c'est lié à notre capacité de voir à travers la forme de la conscience expérimentale à tous ses niveaux d'expression. Et la conscience expérimentale, elle est manifestée dans l'homme à tous les niveaux de sa psychologie. Elle est l'homme moderne, elle est l'homme inconscient. L'homme aujourd'hui est fait de conscience expérimentale, il est conscience expérimentale, il est mémoire, l'homme. L'homme n'a aucune utilité sur la Terre aujourd'hui. OK? Il est utilisé parfaitement. L'homme n'a aucune utilité. Et dans l'expérience humaine, la preuve que l'homme n'a aucune utilité, c'est que l'homme n'a même pas la capacité de savoir qu'il est 100% absolument sûr de ce qu'il fait. Le fait que l'homme est incapable de savoir 100%, et être 100% sûr de ce qu'il fait, puis savoir que ce qu'il fait est parfaitement fait, est une preuve de son inutilité en tant qu'homme. Il est simplement un vestiaire, à l'intérieur duquel des vêtements existent, et ces vêtements-là sont tous les vêtements qui forment, qui le composent psychologiquement, et qui sont la relation d'une résolution entre lui et l'astral. L'homme n'existe pas sur la Terre, aucunement. Il y a un animal intelligent, c'est tout. Il faut qu'il y ait mutation pour que l'homme soit. Moi, quand je vous parle de faire confiance, là, je peux vous parler de n'importe quoi. Alors, que je vous parle de n'importe quoi, je vais toujours vous ramener à des principes d'intelligence, anyway. Alors, je parle des aspects qui font partie de votre psychologie, je les développe. Mais, un jour, l'homme doit être capable de par lui-même, vibratoirement, de par lui-même, de savoir que c'est ça. Sans ça, l'homme va être obligé de continuer à entendre l'instruction, entendre les gens. Il faut que l'homme, un jour, en arrive à ne plus avoir besoin d'instruction. Ça, c'est bien important. Que l'homme en arrive un jour à ne plus avoir besoin d'instruction. Qu'il soit lui-même intelligent, qu'il soit lui-même dans son intelligence, qu'il soit lui-même capable de trancher les questions, qu'il soit capable lui-même de voir le voile entre la cinquième et la sixième race, de voir la psychologie de l'une et la psychologie de l'autre. Il faut que l'homme soit capable de par lui-même de s'aliéner complètement de la cinquième race sans subir le soubresaut que crée une telle aliénation qui se manifeste dans une sorte d'insécurité psychologique vis-à-vis lui-même parce que comparativement à la cinquième race, il est entre deux eaux, il n'est pas dans la sixième encore, il n'est pas dans la cinquième, et ainsi de suite. Ce qui crée une insécurité. Dans le fond, quand je vous explique d'apprendre à ne pas faire confiance à l'homme, c'est pas simplement d'apprendre à ne pas faire confiance à l'homme que je vous explique. Je vous amène petit à petit à rentrer dans votre intelligence, parce que c'est dans votre intelligence que vous saurez qu'on ne fait pas confiance à l'homme. À ce moment-là, vous serez partiellement dans cette intelligence. C'est pas de faire ou de ne pas faire confiance à l'homme qui m'intéresse de vous parler. Ça, pour moi, c'est simplement un outil qui vous amène plus loin dans la découverte d'autres principes de votre intelligence. Ça fait partie du discernement. Puis à part ça, je parle des Canadiens français. Si je parle des Anglais, je parle autrement. Si je parle des Allemands, je parle autrement. Si je parle des Chinois, je parle autrement. Supposons que vous étiez des Chinois. Je serais obligé de développer la psychologie d'une façon totalement différente. J'emploierais des termes différents, des formes différentes. Je dirais, vous êtes des monstres d'impiété. Pour un Chinois, ça s'enregistre. Pour vous autres, ça veut rien dire. Vous êtes des monstres d'impiété. Là, ça leur créerait des chocs. Vous adorez les morts. Vous êtes esclaves des empires. C'est une autre psychologie. Ben, vous autres, je ne peux pas vous parler de même. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour vous faire comprendre que l'intelligence est multidimensionnelle, que c'est infini de l'intelligence, que ça n'appartient pas à l'ego, que ce n'est pas dans l'ego, que ça passe dans l'ego, et que ça sert à quoi, l'intelligence? Ça sert à créer une conscience plus puissante et plus parfaite sur les plans. C'est tout ce que ça sert de l'intelligence. Ça n'a aucun autre but que ça. L'ego, lui, en bénéficie. Il est bien dans ses corps subtils quand ça passe. Il vit. Pour parler à l'homme, il faut soulever des voiles, et des voiles, et des voiles, et des voiles, et des voiles. Et qu'est-ce que c'est des voiles? Des voiles sont des différenciations entre mon intelligence et votre intelligence. C'est ça, des voiles. Fait que je soulève des voiles. Fait que ça vous amène éventuellement à pouvoir percevoir la vibration de votre intelligence. Une fois que c'est fait, bien là, vous commencez à rentrer dedans. Avec le temps. Je peux pas dire à des Chinois, vous êtes des ignorants. Ça veut dire rien. Mais si tu es un occidental, tu es un ignorant, là, ça dit quelque chose. Parce que l'occidental a créé toute une base psychologique d'intelligence qui fait partie de sa philosophie puis toute sa patente. La civilisation occidentale. Mais si tu es un Chinois qui est un monstre d'impiété, là, il va sauter en maudit. Parce que pour le Chinois, d'être pieux intérieurement, c'est une grande qualité d'esprit. Mais ça le rend totalement esclave de l'astral. À des niveaux qui sont beaucoup plus avancés que les nôtres. Alors, chaque race, chaque peuple a sa psychologie. Et l'homme, un jour, doit comprendre la psychologie de tous les peuples, de toutes les races. Parce qu'il y a des gens, des hommes qui viendront de tous les peuples et de toutes les races. Nourrir la sixième. Mais qu'est-ce qui empêche l'homme de comprendre la psychologie de tous les peuples et de toutes les races? C'est qu'il ne comprend pas la sienne. Si l'homme comprenait sa propre psychologie, automatiquement, il comprendrait la psychologie de tous les peuples et de toutes les races, puisque il serait automatiquement dans son intelligence. Au lieu d'être borné par sa psychologie subjective. Hein. Moi, j'ai rien contre l'éducation, je trouve ça merveilleux, l'éducation. Mais ce que je déplore de l'éducation, c'est que ça nous a forcés à comparer ce qu'on a appris avec ce que l'on sait. Et ce que l'on a appris, c'est beaucoup plus précieux pour nous autres que ce que l'on sait, parce que c'est imprimé à multiples exemplaires dans la société. Autrement dit, la conscience sociale. Tandis que ce que l'on sait, c'est individuel. Et on est obligé de le manifester, de le comprendre, de le réaliser, souvent en comparaison ou en relation avec d'autres hommes, parce que seul, par soi-même, à moins d'avoir un contact télépathique ou une fusion, on est incapable de le réaliser. L'homme, l'ego, est un aveugle qui n'a pas le pouvoir de se lever. C'est un infime qui n'est pas capable de marcher sans béquille, l'ego. L'ego, c'est un infime. Tous les égos sont infirmés. Il y en a qui ont des meilleures béquilles que d'autres, alors ils ont l'impression, ils ont le sentiment de marcher plus droit que d'autres. Mais c'est simplement parce qu'il y a des meilleurs béquilles. C'est très difficile à un homme d'être seul quand il n'est pas fusionné. Quand il peut fusionner, mais c'est moins difficile parce qu'il est fusionné. Mais quand il n'est pas fusionné, c'est très difficile à un homme d'être seul. C'est pour ça que je dis souvent, les gens qui sont seuls, qui sont capables d'être seuls avec leur intelligence, en dehors de la fusion, ont beaucoup plus de mérite qu'un homme qui est fusionné. Moi, j'ai pas de mérite, je suis fusionné. Comment je ne voudrais pas être seul? Je peux pas souffrir de ce que je suis. Mais l'homme qui n'est pas fusionné, puis qui est seul, puis qui est suffisamment capable d'être dans son intelligence et de vivre son intelligence, ces hommes-là ont beaucoup de mérite. Parce que déjà, leur esprit transperce leur ego et ils vivent déjà de leur esprit. C'est une affaire de temps avant qu'ils en arrivent à être capables de coordonner l'activité de leur esprit avec l'activité de leur mental. Là, à ce moment-là, ils sont bien. Être seul dans la vie sur une planète, c'est merveilleux. Être deux, c'est encore plus merveilleux. Mais être seul, c'est déjà merveilleux. Et c'est très dur d'expliquer à l'homme d'être seul. D'être absolument certain seul. C'est très difficile. C'est intéressant comme phénomène. Parce que ça te fait réaliser une chose, ton immortalité. Puis le phénomène de l'immortalité, c'est un phénomène qui est très très abstrait encore dans la conscience humaine. Il faut être très conscient pour être immortel. Il faut être très conscient. Il faut être très conscient pour se savoir immortel. Il faut être très conscient pour se dire immortel. Il faut être très conscient pour être immortel. Très conscient. Très conscient. Parce que l'immortalité, c'est rien que l'expression de la matière et de la conscience. L'immortalité, c'est pas le produit d'un désir spirituel. C'est réellement le pouvoir de l'esprit de l'homme sur sa matière, sa propre matière. Ça fait partie d'être seul. Et les hommes doivent apprendre, les hommes de la sixième race doivent apprendre à être seuls. Plus le temps passe, moins ils sont seuls. Mais il faut qu'ils soient capables de passer la période de transmutation seuls. Les gens me disent des fois, maudit que j'en passe une maudite de ce temps-ci. Moi, dans ma tête, je dis, bon, c'est bon. Puis un jour, je dis, ça va se passer, bébé. Mais c'est le bon qui s'enregistre le premier. Je m'en fous quand vous souffrez. Parce que je sais que c'est bon. Je suis content. Mais je vous dis pas ça. Vous diriez pas bien smart. Je peux pas m'apitoyer sur vous autres, me donner une béquille. Je défrais ce que je fais. Je vous encourage un petit peu. Puis c'est important pour un homme d'être capable d'être seul, parce que quand un homme est capable d'être seul, il est dans son esprit. J'ai plus d'ennui mental. Il s'ennuie plus mentalement. Mais on vous dit qu'est-ce que c'est être seul. Ils disent quand t'es fusionné, t'es seul. Ça, c'est une affaire. Quand t'es seul, réellement, t'existes plus au niveau de ta personnalité. Fait que comme t'existes plus au niveau de ta personnalité, tu souffres plus de ta personnalité, t'es bien maudit. De quoi vous souffrez, vous autres, vos personnalités? Quand tu souffres plus de ta personnalité, t'es bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, occultement parlant, être seul? Ça veut dire être une multitude. Ça veut dire être une multitude. Alors, un homme seul et une multitude. Alors, moi, quand j'étais seul en 69, j'étais déjà une multitude. J'étais déjà avec tous les hommes de la sixième race. Comment? Mais je n'étais pas seul. La solitude, c'est la période temporaire, le temps, les quelques années. Mais là, je suis plus seul. Puis dans 10 ans, je vais être encore moins seul. Puis dans 300 ans, je vais être encore moins seul. C'est comme ça que ça se construit une race. Pour qu'une race se construise sur une planète, il faut qu'il y ait un homme seul, d'abord. Parfaitement seul. Mais parce qu'il est parfaitement seul, il est avec une multitude, la multitude naît de sa solitude. Parce que sa solitude crée, scinde, crée, descend le voile entre un cycle et un autre, et permet de créer un nouveau cycle. Si je n'étais pas seul, je serais avec la société. Si j'étais avec la société, je parlerais avec les opinions de la société. Autrement dit, je ne pourrais pas donner l'instruction. Je ferais de l'enseignement spirituel. Ça serait pas bon. On irait nulle part. Ce serait un autre maître. C'est pour ça que c'est important d'être seul. Et c'est seulement quand vous serez réellement seul, quand vous serez réellement bien seul, autrement dit, quand il y aura une liaison étroite entre votre esprit et eux autres, que vous serez réellement bien dans la vie, que vous ne souffrirez plus. Aucunement. Mais il nous amène petit à petit à être seul. Ça prend des années avant d'être capable d'être seul. Et une des grandes conditions de la grande solitude cosmique de l'homme, c'est de ne pas avoir besoin d'un autre homme à côté de lui psychologiquement. C'est ça ce qui est vrai? C'est pour ça que l'homme conscient est asocial. Il n'est pas social, il est asocial. Fait que quand tu n'as plus besoin d'un homme, qu'est-ce qui se produit dans ta vie? Tu diriges tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que tu n'as pas besoin. Parce que les hommes n'étant pas seuls, ont constamment besoin l'un de l'autre. Alors, ils sont obligés constamment d'établir des relations plus ou moins équivoque les uns les autres pour maintenir en vie la société. Mais quand un homme est seul, il n'a plus besoin de personne. Là, il commence à y avance dans sa solitude. Il avance, il avance. Puis éventuellement, ben, naît de cette solitude un homme, deux hommes, trois hommes. Là, ça devient une petite solitude moins grande, moins grande. Éventuellement, ben, ça forme une nouvelle société. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important pour vous autres de comprendre la confiance réelle, profonde, que l'homme conscient doit avoir pour l'homme conscient. Parce que c'est de cette confiance profonde que naîtra. En vrai plan, on n'aura pas besoin d'être ça. Parce qu'un homme fusionné n'a pas besoin de substance matérielle. Alors, s'il lit, c'est pour faire un travail. Alors, s'il y a des gens qui se conscientisent sur un plan matériel, il faut que ces gens-là aient une relation les uns avec les autres pour se créer une condition sur le plan matériel qui convient à leur vie matérielle jusqu'à temps qu'ils changent. Alors, la confiance entre eux est très importante, elle est essentielle, elle est fondamentale, c'est le ciment de la nouvelle société. J'oserai jamais vous expliquer comment ça va se former, la nouvelle société, ou le micro-social. Je suis sûr que j'aurais même pas les mots pour l'expliquer. Je suis sûr que probablement je découragerais certaines personnes. Je suis sûr que vous trouveriez ça long, et suite, parce qu'on fonctionne encore psychologiquement. On n'est pas capable de nous restreindre nous-mêmes de notre psychologie. On veut toujours, on pense qu'on va passer d'une psychologie à une autre, puis qu'on peut amener nos vieux vêtements dans la nouvelle société. On peut pas. On peut pas. Quand tu passes dans un système, d'un système à un autre, quand tu passes d'une race à un autre, t'es obligé de brûler les ponts derrière toi, t'es gardes pas. T'es brûles. Cortés, quand il est arrivé à Mexico, il a brûlé ses bateaux pour pas revenir en Espagne. Très intelligent. Il était forcé de rester là pour combattre avec les Indiens. S'il n'avait pas eu la fortitude morale qu'il avait, il n'aurait pas fait. Il n'aurait gardé un au moins au cas où. C'est subtil. Puis l'intelligence, c'est le même, ça brûle les ponts. Pop, paf. Des décisions qui brûlent la toile de la psychologie inconsciente de la cinquième race. Et c'est ça qui nous donne accès à un autre palier qui est la liberté qu'on recherche, idéalement au niveau de notre philosophie cartésienne, mais qu'on ne peut pas découvrir ou qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas réaliser, même dans notre plus haute spiritualité. Il n'y a pas de compromis. Moi, je vous regarde des fois, puis je regarde dans vos yeux, puis je vois toutes les nuances de votre état d'esprit. Dans certains, il y a de la tristesse, dans d'autres, il y a du doute, puis dans d'autres, il y a de l'insécurité, dans d'autres, il y a du travail. Des vrais tableaux, ces affaires-là. Correct? Les yeux, c'est bien correct. Dans d'autres, il n'y a rien. Dans d'autres, c'est rien comme de l'intelligence qui connecte à mon intelligence, puis c'est un, cette affaire. Il y en a qui ont de l'espoir. Il y en a, c'est ça va-tu m'arriver? C'est le cerveau. D'un coup, je manque mon coup. C'est bien comme ça. Et un des grands dangers de faire confiance à l'homme, c'est de donner à l'homme l'opportunité de se servir de soi. C'est un manque d'intelligence. Un homme conscient, c'est un homme total. Il n'y a aucune partie de lui qui s'évapore. Tu perds rien quand tu es conscient. Tu peux rien perdre quand tu es conscient. C'est pour ça qu'ils disent souvent, si vous êtes pauvre, vous devez vous enrichir. Et si vous êtes riche, vous devez demeurer riche. Il y en a qui sont pauvres, qui deviennent plus pauvres, puis il y en a qui sont riches, puis ils deviennent pauvres. On dirait qu'on n'est pas capable de garder ce qu'on a, puis de le faire croître, ça. C'est l'affaire des talents. T'en as 5 faisant 10. Il y en a qui en ont 5 et ils finissent avec 2. Des fois, ils finissent avec 1 pendant 2. Ça prend beaucoup d'intelligence pour conserver ce qu'on a, surtout nous autres, parce que nous autres, on est assujettis à un combat intérieur très puissant. Et comme on découvre des nouvelles lois de conscience et qu'on n'est pas sûr, souvent, et à cause de notre sensibilité, notre conscience télépathique, souvent, on se fait jouer des tours. C'est pour ça que je vous parle. Pour que vous appreniez à ne pas perdre ce que vous avez déjà. Et à réaliser que demain, vous devez avoir doublé ce que vous avez déjà. Si vous n'êtes pas plus riche demain que vous êtes aujourd'hui, il y a un manque d'intelligence chez vous. Je ne suis pas riche en matière, nécessairement, mais riche. C'est grand abondance. Donner confiance, investir. Donner confiance, c'est investir dans l'avenir. Automatiquement. Donner confiance, c'est investir dans l'avenir. C'est manipuler un peu les lois d'événement. Et plus tu es intelligent, mais plus tu t'es manipulé les lois d'événement. L'intelligence, c'est la clairvoyance. C'est clairvoyant, l'intelligence, s'avouer dans l'avenir. Tu peux pas faire un acte rien que pour aujourd'hui, il faut que tu fasses un acte pour. Le micro-social, c'est l'avenir de l'homme. L'avenir matériel, mental, psychique de l'homme. C'est très riche, le micro-social. Si c'est matériel, ça vaut rien. C'est dans le culte. Investir. Si c'est quoi? Si c'est pour le matériel, ça vaut rien. Investir pour le culte, dans le culte, pour le culte, dans le culte. C'est en fonction de l'intelligence. Tout ce qui est en fonction de l'intelligence est grand. Soit matériel, ou que ce soit psychique, ou que ce soit en relation des événements futurs, ça revient toujours au matériel tant que c'est le temps matériel. Tu investis toujours en fonction du temps matériel, du temps matériel. Tout le temps. Mais ton exercice sur le plan matériel te permet de développer d'autres facultés pour d'autres plans. On ne réalise pas l'importance du plan matériel. Quand on commence à prendre conscience des plans subtils, on ne réalise pas l'importance du plan matériel. Je vous dis que le plan matériel est très important pour l'homme. Très, très, très important. Bien plus que vous pensez. C'est une nouvelle civilisation qui se crée sur la Terre. C'est sur le plan matériel. Avec des facultés hautes, c'est normal. Plan matériel. D'ailleurs, le plan matériel pour un homme conscient, c'est simplement un plan transitoire. Mais c'est important que ce plan-là soit bien ordonné, soit constructif, parce que les forces qui émanent d'un centre d'énergie tel qu'une sixième race vont éventuellement affecter le monde entier, au cours des siècles. Alors, le matériel, c'est très important. C'est pas la finitude, c'est pas fini. C'est un plan, mais ce plan-là doit être très, très bien harmonisé avec l'intelligence universelle. C'est encore difficile pour nous autres de pouvoir voir le lien entre le matériel et l'intelligence. Parce qu'on a toujours la petite voix de la spiritualité, là. Très important, le matériel. Quand ils disent aux autres qu'ils veulent spiritualiser la matière, ils veulent la spiritualiser, la matière, l'élever en vibration, la matière. Quand tu commandes aux plantes, quand tu commandes à la pierre, quand tu commandes aux minéraux, quand tu commandes à l'animal, tu spiritualises ces formes-là. Pardon? Elle se manifeste dans la matière. C'est ça. Se manifester dans la matière. Mais il faut que l'homme soit bien rodé. Alors, le but de leur instruction, c'est quoi? C'est de nous enlever tout ce que pendant des siècles, on a gardé, on a conservé dans les musées, de notre esprit, de notre intellect. De nous enlever tout ça. Les fils d'araignée. C'est ça l'instruction. Toutes les petites nations qu'on pense qui sont ça, c'est pas ça. Tout ce qu'on pense que c'est ça, c'est pas ça. Moi, je le réalise encore bien plus que vous autres, que tout ce qu'on pense que c'est ça, c'est pas ça. Quand tu dis que l'espace, c'est même pas ce qu'on pense que c'est. Pourtant, l'espace, c'est la réalité la plus absolue que l'homme peut connaître. Puis l'espace, c'est pas ça, pendant. Si je vous disais qu'on est des images, l'homme est une image. C'est bien ça ce qu'il dit. On est, pour eux autres, leur espace. Nous autres, là, on est leur espace, eux autres. On est leur espace. La matière est notre espace, eux autres. Nous autres, on est leur espace. C'est pour ça qu'ils ont besoin des hommes dans l'univers pour avoir de l'espace. S'il n'y avait pas d'hommes sur la planète Terre, s'il n'y avait pas d'hommes dans la galaxie, il n'y aurait pas d'espace. Ils seraient nulle part dans l'univers. Ils ont besoin de l'espace. On est leur espace. Notre mental, c'est un espace pour eux autres. Notre émotionnel, c'est un espace pour eux autres. Notre vital, c'est un espace pour eux autres. Ils vivent dans cet espace-là. C'est pour ça que je dis l'univers, c'est pas ce qu'on pense que c'est. Je vous dirai un jour qu'est-ce que c'est l'univers. Vous allez voir comment est-ce que c'est abstrait. L'univers, c'est pas ce qu'on voit avec nos télescopes. Aucunement. L'univers, ce n'est pas ce que l'on voit avec nos télescopes. Un jour, vous direz qu'est-ce que c'est l'univers.